Hawkins was on the AI geography unit of the MEC. Hola Colombia, ¿qué tal? Welcome to the show A Trip con los Ambianceurs. As usual, I like to thank the Pagina Musica Afro-Caribe Original and let's go. Osuela no cae domi, osuela no cae domi, osuela no cae domi, osuela no cae domi, osuela no cae domi. Osuela no cae domi, osuela no cae domi. Osuela no cae domi, osuela no cae domi, osuela no cae domi, osuela no cae domi. La main. Je te veux. Avec les bons, avec les bons, avec les bons, avec les bons, avec les bons, avec les bons, avec les bons, avec les bons, avec les bons, avec les bons, avec les bons, avec les bons, avec les bons, avec les bons, avec les bons, avec les bons, avec les bons, avec les bons, avec les bons, avec les bons, avec les bons, avec les bons, avec les bons, avec les bons, avec les bons, avec les bons, avec les bons, avec les bons, avec les bons, avec les bons, avec les bons, avec les bons, avec les bons. Château gâteau photo, elle en pile coco. Il y a des poissons moins, il mène moi la baboula et des décacaillés. Avec chapeau, ouais. Sans chapeau, ouais. Avec chapeau, ouais. Sans chapeau, ouais. Avec chapeau, ouais. Sans chapeau. Ouais. Moi mec qui sa poule, moi mec qui sa dead. Moi mec qui sa coden, moi mec qui sa cana, moi mec qui sa cabrit, moi mec qui sa lapin, mais moi mec aussi. Moi mec aussi. Cuisse, cuisse, cuisse à fond. À Paris, on fait des noirs. À New York, on fait des noirs. À Cayenne, on fait des noirs. à Fort-de-France, on fait des noirs. À Pointe-à-Pitre, on fait des noirs. À Rézé aussi, à Rézé, on fait des noirs. Hip hip hip, hip hip hip. Agassa tiaka. Ah, c'est bon l'amour. C'est bon d'être seul avec une femme dans un lit. Tu sens bon. J'aime ton odeur. Ah, de Jamaïque. Carolina, Carolina, comment vas-tu? En belle donzelle et un bout de pépronelle. Special shout out to Barranquilla et of course Cartagena. Pas oublié. Haïti, le roi coupé cloué, El Rey coupé cloué. Si l'on c'est un bel bébé, si je sauté pour le cristal, ta caresse il a formagé, vinoué s'il rénové. Si l'on c'est un bel bébé, si je sauté pour le cristal, ta caresse il a formagé, vinoué s'il rénové. Li bel li kon fè kares, li kon ti demaj fines. Carolina, ekoutman sa pti rit. Li gen ti debo. Li bel li kon fè kares, li kon ti demaj fines. Atensyon se yon marabou, li gen ti debo. Johnny, I hope you enjoy this. Sa te bi bel bagay, le lap mache nan la gu. Tout moun se rete gade, santi fi kap bay payen. Kote sa te bi bel bagay, le lap mache nan la gu. Tout moun se rete gade, santi fi kap bay payen. Hola Nestor, que tal? Louloun di chéri. Louloun, louloun chéri an mwen. Mais louloun ti chéri, louloun, louloun chéri en moi. tonto ou pa vle loulou. Ma marié, ma marié, a fè ou loulou. Ma marié, a fè ou loulou. Ma marié, ma sauvé, ma pote condition, ba ou jis la caillou. Ma sauvé, n'y a 26 ans, ou pa vle marié. Ma p'set obligé sauvé, ma sauvé. Femme Mal rive quoi j'en sot ple Mais moi en ka parle C'est moi qui ka dit ça Moi Michel Nerfla Moi ça sot aimé ça Sot ka adoré ça Tous les hommes yo aimé ça Mais oui yo aimé cuisse Puis sa poule Puis sa cana Puis sa codène Puis sa couric Puis sa mouton Puis sa cochon Puis sa lapin, puis sa racoon, puis sa femme. Tierra Kendenge. Para musica Afro Caribe original. Kukuku Munene. La bata tata colara. ¿Cómo está, hermano? nana a bébé menyo ta sama uyali le foti diami foto christian chauffeur bata nangoderi muyisio. Et c'est ça, les Bordelais. Par l'esprit Anna, bonsoir, comment ça va? Lorraine Camille Amena, bienvenido. Thank you. la société des ambianceurs. Este es una especial para mi hermano mío, el Tumba de Rioba. El Tumba del Rioba. Tiene también ser el Afro Caribe original. Aquí con todo. Mira, para Cartagena, para la costa, para todos los barrios. Allá te digo, Naya, Caimán, Naya. That's my bro. Hasta la la peña, ti boy non bo asu. Longe la peña, ti boy non bo asu. Mundi mawase, mwese moni tu kwa. Ando la mo di mene kobona. Ando la mo, do la mo son ya namba. Longe la peña, ti boy non bo asu. Longe la peña, ti boy non bo asu. Nundi mawase, mwese moni tu kwa. Ando la mo, do la mo di mene kobona. Bienvenue par Alice, ce soir nous allons voyager dans toute la communauté afro-caribéenne. Là nous sommes au Cameroun. Michel Kingé. Saint Thomas, Noah, Makosa. Vale. bamu, yenuba, aya bamu, yenuba, aya bamu, yenuba. Bienvenido para todos en la página Música Afrocaribe Original con Petit Bizet de la Société des Ambianceurs. Enjoy the trip, my friends. We'll be right back.

manyara goro kora luongo nyinge ajingi manyara goro kora luongo nyinge bijani nyamama yandiweyo ajing miya paro bijani nyamama yandiweyo ajing miya paro Bienvenido Victor. Please take a seat and enjoy the trip. Thank you.

Caroline, mais oui, ça c'est pour danser jusqu'à la fin de la nuit ça. Nalabie, kongwe nye moninga te, nalabie, Sillone, Colombia y Congo, es uno. Uno. moto mobimba kekela kaye Mata kozela mobali azonga kate Zela na yo na panzi se trota Oka na zela kao baba nakai Oka na zela kao baba nakai No! ressource. Come. Joël Gato Samba. Pasión. Kelo. El maestro.

be well, my friend.